sur la transversale avec Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale. Aujourd'hui, émission spéciale FC Montréal. Leur avant-dernier match pré-saison a lieu cet après-midi au Stade Olympique contre les Rhinos de Rochester, ancien rival de l'Impact dans le temps de la NASL, USL, tout dépendant quelle année c'était, les acronymes étaient différents. Mais un ancien rival de l'Impact était au Stade Olympique aujourd'hui pour affronter la deuxième équipe de l'Impact de Montréal, le FC Montréal. Donc aujourd'hui, à l'émission, Philippe Lafroy avec ses commentaires d'après-match et Marco Dominguez, milieu défensif du FC Montréal, pour parler de la performance du milieu aujourd'hui, pour parler des difficultés dans le dernier tiers, parce que malheureusement, 0-0 aujourd'hui au Stade Olympique. Très belle bataille défensive, spécialement au milieu, où il y a une très belle bataille. Quand je dis défensive, c'est un peu vous induire en erreur. Oui, le pointage indique 0-0, indique un match défensif, mais dans le milieu, les attaques étaient vraiment poussées vers l'avant, vers le Saint-Montréal. La majorité de possession, malheureusement, étant un match pré-saison, n'a pas les statistiques du match, mais je estimerais environ à 58% la possession du FC Montréal tout au long du match, mais tout spécialement dans les 20 quelques premières minutes. FC Montréal était capable de passer, transitionner le ballon, bougeait très bien vers l'avant. L'apport du latéral Janouk et du latéral aussi Janouk et Zachary Sukunda qui apportent une très bonne présence vers l'avant, sont capables d'aider tout particulièrement Jean-Yves Balou-Tabla et Jacques Amann en pointe. Balou était à gauche en attaque, au milieu attaquant à gauche, Balou. Vraiment, Balou a été capable de créer toutes les occasions. Les plus belles occasions créées ont été vers du côté de Balou. Donc, aujourd'hui, l'émission, on parle du match. Ce qui m'a impressionné du FC Montréal aujourd'hui, c'est la transition vers le même jeu de soccer, de possession, de bouger vers l'avant, d'être capable d'avoir de la pression, garder le ballon au sol. Et Marco va en parler un petit peu plus tard aussi. Ce qui est important pour les joueurs du FC Montréal, quelque chose qu'on a parlé beaucoup l'année dernière sur la transversale et After Dark, c'est sur USL Radio, c'est que l'équipe du FC Montréal, ce qui était le cas pour plusieurs autres équipes, deux de la USL, donc les équipes de la MLS affiliées, donc on parle de Los Angeles 2, Seattle 2 et autres, pour ces équipes-là qui étaient un petit peu plus jeunes, un petit peu plus, alors je veux pas dire frêles, mais un petit peu plus minces physiquement, minces, même pas le bon. Il n'était pas aussi grand, donc quelques pouces ici et là, pas aussi musclé, pas aussi développé, pas aussi mature en tant que physique. Je pense que c'est le meilleur moyen de le décrire. Il n'était pas aussi mature en tant que physique, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un avantage aussi. Donc, parce que si on regarde un Jovinko en MLS, le centre de gravité est beaucoup plus bas, est capable de faire beaucoup plus de contrôle, de feinte et de contrôler le ballon. Mais si on regarde comme un Balou, qui était aujourd'hui, qui commençait à l'attaque à droite, à gauche. Il bougeait beaucoup. Alors, Balou, qui était très impliqué, tout près des lignes de touche, un contrôle technique très intéressant et très évolué, comparé les autres du Rhinos qui étaient contre lui, il était capable de gagner le ballon en ligne de touche à tout coup, même lorsqu'on pensait que le ballon était dehors, il était capable de déjouer le défenseur et de continuer le mouvement d'attaque vers l'avant. Et les chances de créer le plus du côté de Saint-Montréal, les chances qui ont été le plus souvent créées du côté gauche de leur attaque, du côté droit de la défense des Rhinos, c'est le seul endroit qui avait vraiment une percée, qui avait une pénétration du dernier tiers, mais jamais dans la boîte et jamais capable d'avoir la passe et le look et le visage franc au but, être capable d'avoir la bonne vision, être capable d'avoir le bon tir au but franc. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, pour les deux équipes. À part au deuxième demi, le Rhinos ont eu une chance ici et là. Même chose à la fin de la première demi. Mais ça n'a pas été le cas pour les deux équipes. Ils n'ont pas eu de grandes chances que « Oh, l'arrêt du match! » Non. C'était vraiment une bataille du côté du milieu qui a été majoritairement gagnée par le FC Montréal. Donc, on va juste parler du 11 partant pour le FC Montréal aujourd'hui. Dans les buts, on avait David Paulmain, le Peter Cech du FC Montréal. David Paulmain, aujourd'hui, a eu une très bonne partie, très non occupée. Donc, les quelques fois qu'il a dû se surpasser pour faire un arrêt, il y a eu quelques coups de pied de coin à la fin du deuxième demi. Et là, il a dû se surpasser pour faire quelques arrêts et quelques box. Mais à part ça, il n'y a pas une journée très occupée pour David Paulmain. En défense, on avait Jeannouk Charbonneau, James Geoffrard, Thomas Meyer, Giguère et Zachary Sukunda. Comme je parlais au début, Charbonneau, Sukunda, deux latérales défensifs très impliqués vers l'avant. Il donne une option de passe de plus à un Dominguez et un Belangoyette au milieu défensif pour accélérer le mouvement de transition aux trois milieux attaquants qui donnent ensuite un bon service à Jacques Hamann et qui sont capables de finir dans le dernier tiers. Oui, c'est ce qui a manqué aujourd'hui, mais on a vu de très belles choses sur les flancs entre Morelli, Dominguez, Belangoyette, Tabla, être capable de bouger le ballon, Cacheur en 10, qui était capable de quand même bien contrôler ce qui se passait, mais vraiment les chances créées le plus de percée et de pénétration ont eu lieu du côté des flancs. Et c'est majoritairement à cause d'un travail de Jeannouk Charbonneau et de Zachary Sukunda qui sont capables d'extrêmement bien supporter leur milieu défensif et leur attaque. Et ce qui est très important, on a James Geoffrard et un Thomas Meyer-Giguère qui sont habitués de Thomas Meyer-Giguère qui vient de pousser. C'est un nouveau qui était un U18 avant, qui est maintenant à partir du FC Montréal, mais qui pousse, qui sont capables de couvrir, je veux dire, les efforts de Sukunda et de Charbonneau à l'attaque. Vraiment très intéressant. C'est ce qui a créé le plus de chances du côté du FC Montréal lorsque les latérales sont impliqués dans le jeu offensif. Vraiment très bien. Ce qu'on va entendre un petit peu plus tard avec Philippe Lafroy, le directeur de l'Académie et entraîneur-chef du FC Montréal, la deuxième équipe de l'Impact de Montréal, il parle aussi qu'il maintenant faut trouver la finition dans le dernier tiers. Parce que si, lorsqu'on va être en USL, ce qui commence dans quelques semaines, le dernier match pré-saison est ce samedi contre le FC Ottawa, le Fury FC d'Ottawa, au Stade Olympique, le dernier match pré-saison de l'année. Ça devient une tradition. L'année dernière, c'est la même chose pour l'FC Montréal. Il a affronté le Fury comme dernier match pré-saison. Ça va avoir lieu encore cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va voir de. C'est comme un gauge, c'est un peu se mesurer à un supposément supérieur, à un adversaire qui est supposément supérieur dans une ligue supposément supérieure à la NASL, supposément, parce qu'il y a probablement moyen de savoir, les deux ne s'affrontent pas très souvent à part en US Open Cup, et ça ne sera pas le cas pour le FC Montréal étant inéligible à la voyageur ou à la Coupe de voyageurs, et inéligible aussi, ils sont aux États-Unis, donc ils ne font pas d'affaires dans US Open Cup, et c'est bien comme ça. Mais ce qui m'intéresse vraiment dans ce qu'on va voir aussi, c'est à quel point qu'on peut réussir à trouver la combinaison Balou-Hamann, mais qui peut finir. À Morelli, Cacheur, Tabla, Tabla c'est Balou, Jean-Yves, ce qui est important, c'est de finir avec Jacques Hamann. Jacques Hamann, il veut le ballon. Il veut toujours le ballon. Jacques, il va te demander le ballon 28 000 fois par match. Et un peu, Balou, il n'est pas encore habitué totalement avec tout le monde qui joue encore, et tout le monde demande à Balou toujours le ballon. Donc, c'est l'habitude aussi de lui de prendre son air d'aller, de prendre sa combinaison, son effort, et d'y aller aussi lui-même. Ce qui est intéressant dans les propos de Philippe Lafroy, qui s'en vient dans quelques instants, il parle de l'ouragan Balou, qu'il faut qu'il apporte tout avec lui, mais il faut qu'il se fasse confiance aussi, de pas nécessairement toujours accepter du fait que tout le monde lui demande le ballon, comme c'était très beaucoup le cas aujourd'hui, là, au milieu de deuxième demi, lorsque première demi, très organisée des deux côtés, quelques chances ici et là, mais c'était vraiment une bataille de demi. Au milieu de la deuxième demi, ça commençait à être un petit peu plus chaotique, un petit peu plus débridé. C'était pas aussi beau, il y avait plus de longs ballons, et ça s'est replacé vers la fin pour l'FC Montréal, qui ont réussi à replacer le ballon au sol et à jouer selon leurs forces. Mais lorsque, dans les 15-20 minutes qui ont suivi le début de la deuxième demi, c'était vraiment un petit peu débridé, chaotique, et on a vu un joueur comme Jean-Yves Balou pas être capable de finaliser, de choisir la bonne décision à faire avec le ballon dans le dernier tiers. Et c'est ce qui a vraiment créé un manque d'opportunités durant ce temps aussi pour l'FC Montréal. Ça les a pas coûté, il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu de contre-attaque qui ont marqué de l'autre côté, mais c'était important de travailler sur cet autre côté-là, et c'est ce que Philippe Lafroy mentionne. Donc en parlant de Philippe Lafroy, voici Philippe Lafroy, directeur de l'Académie de l'Impact de Montréal et entraîneur-chef de la deuxième équipe de l'Impact de Montréal, le FC Montréal. Et ensuite, on a Marco Dominguez, milieu défensif du FC Montréal, qui nous parle de la prestation aujourd'hui. Donc, Philippe Lafroy et Marco Dominguez. 0-0, belle bataille défensive, il manque quelques occasions de marquer. Comment tu peux nous décrire cette partie aujourd'hui? Je ne peux pas mieux dire que ce que tu viens de dire. Non, regarde, on savait que depuis quelques temps, défensivement, ça allait de mieux en mieux. On était impatients de voir face à un test comme Rochester ce que ça pouvait donner. Ça a confirmé que défensivement, on était bien. Malheureusement, ça a confirmé aussi qu'offensivement, on avait du mal à conclure. Alors, on savait aussi que contre des équipes comme ça, on n'aurait pas 10 occasions par match. Et ça a été le cas. Si on en a peut-être 2, c'est le maximum. Donc ça, c'est définitivement là où on doit être meilleur dans les 25 derniers mètres sur le choix de passe. Mais ça reste qu'on a joué contre le champion sortant et que globalement, si on avait été à ce niveau l'année dernière, on aurait sans doute une meilleure saison. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une grosse progression et qu'on est mieux définitivement cette année qu'en 2015. Vous avez parlé du dernier tiers, la meilleure chance est arrivée du côté de Balou. Ouais. Du côté de Balou avec Jacques. Comment on peut décrire l'arrivée de Balou cette année avec le bah, c'est un vent de fraîcheur combiné à un vent de provocation. Maintenant, on aimerait que ce soit un ouragan. C'est-à-dire qu'il emporte tout, le gardien et le but avec. Donc pour l'instant, ça s'arrête à de la provocation, à beaucoup de superbes intentions de jeu. Maintenant, il va falloir qu'il ait un taux de réussite plus élevé à ce niveau-là. C'est la prochaine étape et il le sait qu'il doit franchir. Ce qu'il pouvait, où il pouvait avoir beaucoup plus de succès avant, bah, là, s'il revient à quelques coches en dessous en termes de succès. Maintenant, c'est quelqu'un qui joue son jeu, qui connaît ses qualités, qui ne s'arrête pas juste parce qu'il a raté une fois, il va continuer. Et c'est ce qui fait sa force, sa qualité, ce qui va faire que dans quelques semaines, quelques mois, il va être capable de passer au travers des défenses et d'être beaucoup plus efficace. C'était volontaire de lui faire disputer tout le match ? Oui, parce qu'il part en équipe nationale en fin de semaine. Et il ne va donc pas jouer contre Ottawa samedi. Donc c'était mieux de lui donner 90 et les autres les reposer un peu plus. Saison, c'est presque fini. Qu'est-ce que les choses que vous voulez travailler sur pour la saison? Bah, c'est ça, c'est réussir à avoir allez, au moins 5-6 opportunités de marquer à chaque match. L'année passée, c'est ce qui nous avait manqué. Cette année, on espère être plus solide défensivement. Je pense qu'on n'est on est pas loin d'avoir atteint cet objectif d'être plus efficace défensivement. Maintenant, offensivement, il faut qu'on arrive à se procurer plus de chances de marquer. Alors c'est ça le prochain challenge et c'est ça qu'on doit travailler énormément. Et on est persuadé qu'au cours de la saison, parce qu'ils vont prendre un peu plus d'expérience, un peu plus de confiance, on va réussir à les trouver ces 5-6 occasions par match. Le problème, c'est qu'on ne veut pas que ça arrive au mois d'août, on voudrait que ça arrive dès le mois d'avril. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Plutôt bien. Il travaille bien. Tous les entraînements sont de à très très haute intensité. Et c'est plus nous qui sommes fatigués à les retenir un petit peu que eux à continuer. Donc il faut qu'on fasse attention pour eux parce qu'ils n'ont pas l'expérience de gérer leurs efforts. Et c'est toujours le même problème, garder cette intensité-là, garder de la fraîcheur entre les matchs. Et ça va être notre challenge, nous, en termes de charge de travail. 0-0, mais une grosse bataille sur le plan physique. Comment te sens-tu après? Je me sens très satisfait de la performance de mon équipe. On voit que les objectifs pour cette année sont vraiment bien pour tout le monde. Tout le monde a des objectifs et on est tous sur la même page. Puis je suis satisfait. Une grosse amélioration du côté du passing. Ce match ici comparé à l'année dernière. Petite passe, contrôle, comment une belle transition vers en avant. Comment on peut briser le dernier tiers? Non, c'est beaucoup dans la dernière zone. C'est plus les attaquants, les gens offensifs qui vont s'occuper de ça. Puis maintenant, il faut prendre des chances. C'est ça qui va nous aider à gagner les matchs parce qu'il va y avoir des matchs qu'on ne va pas avoir la possession de ballon. Puis qu'on va avoir deux occasions, trois occasions. Puis il faut finir. Il faut finir par une tire, quelque chose de positif. Avec ta présence en première demi, le milieu était dominé par FC Montréal. Comment on peut faire mieux pour relancer l'attaque avec les attaquants pour être sûr de bien supporter les derniers tirs avec la présence du milieu? Ben en fait, c'est pas seulement moi qui a fait un travail au milieu, c'est mes coéquipiers, les deux autres au milieu, on a bien géré ça. Puis derrière aussi. Maintenant, c'est que là, on va devoir être encore plus mieux. Parce qu'on a un match, il faut faire la même performance qu'on a fait aujourd'hui contre FC Ottawa, puis je pense qu'on va être prêt. L'équipe est très jeune, comment tu la sens à quelques jours du début de la saison? Est-ce que tu penses que c'est un avantage pour FC? Ouais, c'est un avantage. On est très jeune, genre justement on a la motivation, on est là pour aller à fond, puis on n'a pas peur de n'importe quelle équipe, on est là pour jouer des matchs, puis c'est comme un match comme tous les autres, on est là pour bosser, puis c'est ça qu'on va faire. Aujourd'hui c'était un jeu très défensif, est-ce que c'était le but pour aujourd'hui? Mais c'était pas vraiment défensif notre jeu, c'était offensif, c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion de finir devant le but, on a eu des chances, puis il fallait finir avec quelque chose de positif, on était beaucoup sur le passing. Mais dans le dernier tir, il faut frapper puis faire quelque chose de positif. Bienvenue sur la transversale. Je voudrais remercier mes invités aujourd'hui. Philippe Lafroy, Marco Dominguez, milieu défensif du FC Montréal, deuxième équipe de l'Impact de Montréal, et Philippe Lafroy, directeur de l'Académie et entraîneur-chef de la deuxième équipe, FC Montréal. Alors, prochain match pour le FC Montréal, c'est ce samedi contre le Fury FC d'Ottawa, le dernier match pré-saison, très important. Ensuite, sur leurs 15 premiers matchs, environ 10 matchs sur la route, le premier match va être au Stade Olympique. Pour ceux qui se demandent où est-ce que le FC Montréal va jouer cette année, ça va être au Centre Claude-Robillard, qui a été fraîchement rénové. Donc, ils sont au Centre Claude-Robillard cette année. Si vous avez des tentatives de billets de saison de l'Impact de Montréal, vous allez avoir accès au FC Montréal. Ensuite, c'est encore à déterminer pour savoir le prix des billets et tout. C'est des nouvelles qu'on va vous apporter bientôt sur la transversale. Mais présentement, les premiers matchs qui vont être au Stade Olympique pour de la USL, du FC Montréal, vont être accessibles aux détenteurs de billets du match qui suit ou qui précède, tout dépendant du cas de l'Impact de Montréal. Donc, vous allez pouvoir assister au match de la deuxième équipe en USL. Et en même temps, je vous invite à suivre USL Radio cette semaine avec un invité spécial, Alessandro Rigi, du FC Montréal, de la deuxième équipe de l'Impact de Montréal, qui va nous parler de son parcours en Europe, de ce que ça a porté pour lorsqu'il est revenu en Amérique en 2015, son parcours en 2015, une saison qui a valu le joueur le plus utile du FC Montréal en 2015. Et aussi, il va nous parler malheureusement du mauvais timing de ses blessures cette année, de ses objectifs qu'il avait pour 2016 avec la première équipe et ce qu'il entend faire en 2016 en USL et en MLS. Donc, je vous invite à écouter USL Radio cette semaine, disponible sur le Sports Podcasting Network et sur iTunes et partout. Et jusqu'à la prochaine fois, bon soccer!